à quel plaisir de danser avec toi mignonne. La danse et le jeu, quel mauvais chemin. Je n'arrête pas de danser tant que le jour n'est pas levé. Vous savez le plaisir de danser, ça m'a été donné. Bondissant de ma chaise pour entrer dans la danse, il faut remuer les jambes et taper dans ses mains. À quel plaisir de danser, danser avec toi mignonne. Danser, la danse est le jeu, danser, quel mauvais chemin. Danser, je n'arrête pas de danser, danser tant que le jour n'est pas levé. Danser, il est déjà minuit danser, et tu voudrais rentrer. Danser, tu avais pourtant dit, danser, nous danserons toute la nuit. Danser, mais si tu es fatigué, danser, il fallait te reposer. Danser, allez bien donc chérie, danser, écoute ce rock. Danser, si tu es fatigué, danser, il ne faut plus y penser. Danser, car tu vois c'est épatant, danser, tu l'as déjà dans le sang. Quel plaisir de danser, danser avec toi mignonne. Danser, la danse est le jour, danser, quel mauvais chemin. Danser, je n'arrête pas de danser, danser tant que le jour n'est pas levé. Danser, il est déjà minuit danser, et tu voudrais rentrer. Danser, tu avais pourtant dit, danser, nous danserons toute la nuit. Danser, mais si tu es fatigué, danser, il fallait te reposer. Allons viens donc chérie. À quel plaisir de danser avec toi mignonne. La danse est le jeu, quel mauvais chemin. Je n'arrête pas de danser tant que le jour n'est pas levé. Tant que le jour n'est pas levé, tant que le jour n'est pas levé, tant que le jour n'est pas levé.